Ouais. Yo, nos vies à tes yeux ne reflètent que les rames de métro bondées, les agressions, les bouillées, les caillassages de Condé, le danger des cités, les foyers clandés, les pères qui ont bélier. T'aimes voir les giros de la bague briller, des riverains goudés, des gosses en échec scolaire, ne rêvant que niquer ta mère, d'avoir l'or sur leur molaire. Pour toi, toute la banlieue à l'ego va sur cale. Je te rassure, man, personne porte le pare-balles, on parle pas tous mal. On sait aussi rire, même si c'est pas grand palmade. Et c'est pas nos sapes qu'apaisent les bleus en guise de pommade. Mais est-ce que je peux t'en vouloir d'être un mouton de TF1? On a tous le droit de savoir. Mais est-ce vraiment anodin? On quitte ta rétine pour que tu trembles, pour que tu votes. Tout comme en 2002 moi, je sais déjà pour qui tu optes. Je suis au flamme où l'ignorance est la plus conne des prisons, où tous sont aveuglés par le rayonnement de leur télévision. Nous c'est la vie, un diamant brut à polir, sans mollir. On tombe les clichés, les œillères, ce texte collir. Est-ce que j'ai besoin de leur dire? Et on accepte ça les yeux ouverts. Charter, temps de rétention, veille circulaire. Balancé entre une coupe du monde, une canicule. Et ne dis surtout pas qu'on te manipule. Tu seras traité de parano, pas un mot, faut rester inutile. Comme une carapto dans mon studio et ses CRS qui jubilent. Des bronzés qui font la queue comme des bestiaux. Nostalgiques de Vichy, à deux doigts de prendre une photo. Entre leurs biscotto et leurs brioches à bière. Devant des clandestins flippés qui ne risquent pas de faire les fiers, passer les fers. À un monde dans une cour d'école, ta terre d'accueil. Y'a comme un bordel dans son protocole. Alors je crie fort à faire exploser des sonotones. Cette rage monotone comme un crachin d'automne. Les yeux ouverts, les yeux ouverts. T'as de la merde dans les yeux, ce rap sera ton collier. Combien de reportages foireux m'ont donné envie de vomir. A la base, à ton avis, qu'est-ce que les gens veulent? Se geler le cul dehors et brûler des bagnoles. Chacun des émeutiers rêverait d'une petite vie peinarde. Donner à tous les mêmes chances, on verra qui flémarde. Si t'aimes tes flics et que t'en as marre qu'on les canards, va falloir changer de méthode ou bosser ta parade. C'est parce que t'as de la merde dans les yeux, un champ de vision peu spacieux que le fossé se creuse entre ta douce France et les disgracieux. Quand on nous fout le seum en semant la haine, impossible de rester zen, crois pas que notre lutte soit vaine. De rage et de peine, charger notre mental. On a du feu là dans les veines depuis que l'État se prend pour un crotal. J'suis pas dupe, l'égalité est à bannir. Pour voir plus clair, prends une goutte de colère et de collir. Nous c'est la vie, un diamant brut à polir, sans mollir. On tombe les clichés, les œillères, ce texte collir. Est-ce que j'ai besoin de leur dire?